Party. Que l'on veut dans la tête, les gens ne nous jugeront que par notre apparence. Mais pour moi l'apparence, ça n'a pas d'importance tant qu'il nous reste notre intelligence. Notre esprit est notre meilleur moyen de défense, mais ce n'est pas ce que tout le monde pense. Es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Esprit, es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Maintenant pour être belle, faut être anorexique. Pour être aimé, faut être un cancre et faire le con. Si t'es original, tout de suite on te recale. Tout le monde complexe, les filles autant que les mecs, qui ont peur plus que tout d'être différents des autres. Conclusion, y'a que les faux qui osent sortir du lot. Es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Esprit, es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. C'est la loi du plus fort, ici même ou dehors. Essaye de discuter, quoi que tu dises, t'as tort. Si 10% des mecs prennent les filles pour des putes, les 90 autres en subissent les effets. Moi je dis c'est la panique, car tout le monde est unique. Pas besoin d'être comme eux, on peut bien faire ce qu'on veut. Là. Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Esprit, es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Esprit, es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas dans tout ce que je vois. Esprit, es-tu là? Moi je ne trouve pas, je ne te sens même pas